transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Roberval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Pour un transport routier en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons les transports de voyage à 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au Marcos Pub Midget de Saint-Félicien et est fier d'être partenaire de la chronique de l'instructeur-chef David Boudreau. C'est la chronique des Sabres de Roberval maintenant avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, on va y aller avec ce qui s'est passé au cours de la dernière fin de semaine. Il n'y avait pas de match en fait, je pense, hein? Oui, on est en tournoi. Ah, je dis en tournoi, c'est vrai, à Shawinigan, c'est vrai, puis ça a quand même bien été, oui. Tu me rappelles, là. Oui, ça a très, très bien été, même. Là. On a sorti de là, c'est sûr que c'était une formule comme la Coupe Dodge, là, au tournoi de Shawinigan cette année. Il n'y avait pas de Ron Robin, donc les deux premiers matchs ne comptaient pas, à partir du troisième, tu ne pouvais plus te permettre de perdre. Puis nous, on a gagné les deux premiers, puis on a perdu le troisième là, en prolongation, donc... On a très bien été. On peut pas dire qu'on s'est pas bien défendu là, au cours de ce mois-là. Puis je pense que vous avez été malchanceux aussi, hein, dans ce match-là, hein? C'est sûr que dans la défaite, là, on a peut-être pas travaillé autant qu'on avait travaillé dans les deux premiers matchs. On n'avait pas mal joué en tant que tel. On a eu des chances de marquer. L'adversaire a égalisé la rencontre là à 1:30 là, de la fin du match. Donc c'est sûr que ça a fait mal là, parce que même si on a cette équipe-là nous a battu en huitième de finale, puis c'est rendu quand même là en demi-finale. Donc c'est sûr que nous, on aurait pu peut-être se rendre là nous-mêmes là, si on gagnait là, ce match-là. Okay. On peut pas jamais le savoir parce qu'on l'a pas gagné, là, mais les autres ils ont scoré là, un mauvais but là, de notre gardien en prolongation. Donc c'est là que ça a donné la victoire là. À Beauport, là, en huitième de finale. OK. Là, maintenant, tu penses que ça va avoir des conséquences positives sur le reste de la saison? Oui. Je pense que c'est sûr que là, l'esprit d'équipe aussi s'est formé là, quand on va tourner à l'extérieur. Ben là, oui. Toute la gang ensemble, tous les gars ensemble. Il n'y a pas personne de l'extérieur, en fin de compte, là, avec nous. Il y a juste les entraîneurs et les joueurs là, à l'hôtel. Donc, ça a formé un bon esprit de corps, un bon esprit de groupe là, durant la fin de semaine. Puis, on l'a ressenti tout le long de la fin de semaine là, à Shawinigan. Là, on était tout le temps prêt à jouer. Puis, ça s'est produit sur la glace aussi, là, avec deux victoires et une défaite en prolongation. On n'était pas loin de gagner. Donc, okay. On était dans la game tout le long du match. OK. Donc, en fin de semaine, c'est les Épervilles Normandins. Oui. OK, qui ont 51 points. Oui. Donc, c'est quand même intéressant pour... l'autre match, c'est ça, contre les Saguenay-Chicoutimi. Oui, en plein ça. Okay. Deux très, très bons matchs à jouer pour nous. Normandins, c'est sûr que dernièrement, là, sont peut-être l'équipe aussi qui nous arrache là, dans notre ligue, là, qui colle pas les victoires là, comme nous qui on faisait là, au début de la saison là. C'est au tour de Normandin là, puis de même Chicoutimi ont de la difficulté, là, deux ou trois défaites consécutives, donc c'est sûr que on va pogner des équipes là, qui vont vouloir gagner, se remettre sur le chemin de la victoire comme on dit. Donc c'est Samuel Dallaire et qui est le meilleur marqueur de la ligue, Vincent Boivin également, faut pas l'écarter non plus, c'est les deux gros joueurs des Épervilles. Oui, Samuel Dallaire, en plus, c'est un défenseur là, qui est le meilleur score de la ligue. Donc, ceux qui récoltent pas mal plus tous ces points là, quand ils sont en power play, là, c'est ceux qui sont en avantage numérique. C'est là qu'ils récoltent beaucoup ces points. Mais c'est un des meilleurs défenseurs, là, selon nous, là, de la ligue là, junior 2A dans notre région. OK. Jason, on s'en parle la semaine prochaine? Yes. Voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Sabres de Roberval, Jason Lajeunesse.